Je témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en vérité excepté Allah, et je témoigne que Mohammed est le serviteur et messager d'Allah.